AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Au volant des premières automobiles, des débuts électriques. Regarder l'histoire de la voiture aujourd'hui nous conduit à l'évident constat de l'impact considérable qu'a eu l'industrie automobile sur nos paysages, sur nos sociétés, plus globalement sur l'état de la planète. Mais si nous plaçons là quelques décennies en arrière, la voiture électrique était encore présentée comme un avenir possible, mais pas certain. Aujourd'hui, elle est présente. Vapeur, électricité, pétrole. Qu'en est-il des premières automobiles? Le musée de la voiture et du tourisme a été créé en 1927. À l'initiative du Touring Club de France. On peut y admirer un très bel ensemble de berlines de voyage ou d'apparat, de voitures hippomobiles, de gala et de ville, de patages françaises et suisses, puis de nombreux témoignages des débuts de l'automobile, de la Mancelle de Léon Bollée de 1878, carrossée comme une Victoria, à la jamais contente, extraordinaire voiture déjà ultra aérodynamique avec laquelle Genazzi dépassa dès 1899 le 100 à l'heure, c'était une voiture électrique. La jamais contente, le musée de Compiègne, le musée de l'automobile présenté en 1968. Bonjour Emmanuel Pia. Bonjour Xavier Mauduit. Est-ce qu'il y a une évidence sur l'énergie utilisée pour les premières automobiles? Aujourd'hui, le pétrole semble dépassé par l'électricité et c'est très intéressant de voir, et c'est évoqué dans l'archive, que l'électricité peut être à l'origine du déplacement des automobiles. Bien, écoutez, effectivement, il y a, contrairement au monopole de l'automobile thermique que l'on connaissait jusqu'à présent, à vrai dire, dès la naissance de l'automobile, dès sa genèse et dès les premières compétitions automobiles, vous aviez une grande diversité, une grande palette de différents moyens de locomotion, mais également de motorisation tout à fait différente, à la fois le moteur thermique. Effectivement, mais également les moteurs électriques, mais également le gaz, l'air comprimé parfois, etc. Donc vraiment une grande diversité et qui se retrouvait notamment on retrouvait des automobiles de ces différents types de motorisation dès les premières compétitions automobiles, qu'il s'agisse du concours du Petit Journal en 1894, la première compétition automobile mondiale, ou encore l'année suivante, le fameux Paris-Bordeaux-Paris, qui est la première épreuve de vitesse, avoir été organisée et qui représente également une pléiade, une centaine de voitures qui étaient enregistrées et avec des représentants effectivement de tout type de motorisation. Emmanuel Plat, vous êtes historien de l'Automobile Club de France et responsable du patrimoine historique de cet Automobile Club de France, des archives également. Il date de quand ce club ? Alors, l'Automobile Club de France est le premier au monde à avoir été créé en 1895 et il réunissait, c'est une grande spécificité, il réunissait les premiers acteurs de l'automobile, qu'il s'agisse des premiers constructeurs tels que messieurs De Dion, monsieur Panhard, monsieur Peugeot, etc. Mais également les premiers journalistes, Paul Meillant, Pierre Giffard, les premiers mécènes, je pense à James Gordon Bennett Jr. notamment, donc vraiment les premiers clients. Puisqu'il s'agissait d'un microcosme à l'époque, et il y avait une volonté, et c'était l'émission première de l'Automobile Club de France, d'être d'une part un cercle sur le mode anglo-saxon, autrement dit un lieu de convivialité pour pouvoir converser, pour pouvoir apprendre, prendre part à des conférences, utiliser des ouvrages de bibliothèque, etc. Mais surtout, et c'est une grande originalité de l'ACF, de constituer une véritable société d'encouragement pour le développement de l'industrie automobile en France et de ses industries connexes. Donc vraiment une double mission qui lui a permis notamment de créer les premiers salons de l'automobile dès 1898, de créer les premiers grands prix sur circuit fermé, ou encore d'être à l'origine de la Fédération internationale de l'automobile, qui s'appelait à l'époque Association internationale pour les automobile clubs reconnus. Donc, c'était long. C'était très long. Et donc, un rôle proactif de l'ACF, et ça, c'est vraiment le plus important. Je pourrais parler d'intercesseur entre les constructeurs, mais également les premiers clients. Et également, l'ACF était le référent du gouvernement sur certains points spécifiques. Avec 1895 comme date pour la naissance de l'Automobile Club de France. Bonjour Lionel Dufaux. Bonjour. On en est où en 1895 de l'histoire de la voiture? C'est une vieille histoire ou l'Automobile Club naît en même temps que la voiture? Ça commence déjà à être une vieille histoire, puisque on considère que l'un des premiers véhicules automobiles est construit en 1770-1771. C'est le fardier à vapeur de Nicolas-Joseph Cugnot. C'est une commande, entre guillemets, du duc de Choiseul, ministre de la guerre de Louis XV. L'idée étant d'améliorer l'acheminement des affûts de canon sur les champs de bataille et de ne plus avoir recours à des animaux de trait, ce qui peut être quand même très très contraignant. Et donc d'essayer de voir s'il serait possible d'avoir un véhicule capable de se déplacer par sa propre motorisation. Et donc ce véhicule fardier, pour déplacer des fardeaux, est pourvu d'une machine à vapeur. Nicolas-Joseph Cugnot, qui est un ingénieur lorrain, en construit d'abord un modèle à l'échelle 1/3 qui fonctionne. On lui commande donc un fardier taille réelle, mais entre-temps le duc de Choiseul est disgracié, le projet s'arrête. Mais le fardier a quand même été construit. Il est remisé à l'arsenal de Paris. Il passe une trentaine d'années à cet endroit et il rejoint le Conservatoire des Arts et Métiers en 1799, où il se trouve toujours aujourd'hui. Donc en 1895, on a déjà une première partie de pionnier, d'expérimentation, de regard très empirique sur l'automobile, qui s'appelle pas encore automobile d'ailleurs, mais qui par l'ajout d'expériences, d'essais, va permettre de mettre au point des véhicules qui deviennent de plus en plus fonctionnels. La vapeur pour commencer. La vapeur pour commencer, puisque c'est l'énergie qui est disponible à l'époque et que l'on connaît le mieux avec les pompes à feu qui existent déjà dans les mines depuis pas mal d'années. James Watt qui est en train de perfectionner la machine à vapeur. Alors évidemment, on se rendra compte que ce n'est pas l'énergie la plus adaptée pour des véhicules automobiles. Néanmoins, on va investiguer quand même pas mal d'années sur cette énergie-là avant de se lancer sur d'autres motorisations. Après le fardier de Cugnot, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, il y a un temps de repos dans l'histoire automobile. En fait, à quel moment ressurgit la question du véhicule qui peut se déplacer sans l'aide, alors d'un humain, d'un animal, parce que les voitures existent, mais elles sont hypomobiles? Alors, ce qui est assez curieux, c'est que les premiers véhicules, on va dire réellement opérationnels, datent vraiment des années 1870. Pour autant, que ça soit dans la presse, que ça soit des caricatures aussi, qui sont largement imprimées, la voiture à vapeur mobilise l'intérêt des ingénieurs, des techniciens et des citoyens aussi sur la première moitié du 19e siècle. Il y a des tentatives, on a ces caricatures anglaise qui à la fois s'extasie devant ces voitures incroyables pour lesquelles on n'a plus besoin de chevaux et qui en même temps craignent que les promenades de la reine Victoria à Hyde Park soient gênées par tous ces véhicules qui crachent de la fumée, qui potentiellement peuvent exploser. Donc on a aussi ce regard un peu critique. En fait, il faut vraiment attendre les essais, alors en France par exemple, d'Amédée Bollée qui construit son obéissante en 1873, qui est presque un mix entre une locomotive à vapeur et une automobile. Et puis, outre Rhin, c'est Carl Benz, qui lui va s'intéresser aux moteurs à combustion interne alimentés par gaz. Et puis en France, Édouard de Lamare de Bouteville. Il y a comme ça beaucoup de personnages qui vont les uns les autres essayer d'améliorer, de perfectionner les choses, plus évidemment quelques savants comme Alphonse Beau de Rochas qui théorise ce cycle à quatre temps qui est celui qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les moteurs à essence. Voilà, la valse c'est à trois temps et le moteur c'est à quatre. Oui, je pense que l'on peut également effectuer une distinction entre les premiers véhicules du type effectivement Fardier de Cugnot ou l'Obéissante ou la Mancelle d'Amédée Bollée. Je pense que l'on parle à cet endroit-là de préhistoire ou de proto-histoire de l'histoire de l'automobile. À mon sens, plutôt des véhicules utilitaires voués au transport de marchandises et au transport de personnes. Mais je pense que l'on peut parler réellement de révolution de l'automobile en utilisant une définition justement de transport individuel, de véhicules particulières, qu'à partir effectivement, comme vous l'aviez dit, Monsieur Dufaux, de 1890, avec l'arrivée effectivement, l'émergence du moteur à combustion interne, et qui a permis notamment grâce à Daimler de pouvoir synthétiser un moteur de petite dimension, avec également une puissance suffisante pour pouvoir permettre une certaine autonomie. Le client pouvait aller à son gré et à la vitesse de son gré, vraiment par les routes de France et de Navarre. Et donc, on peut effectuer cette différence, à mon sens. Oui, parce qu'on a besoin dès lors d'un petit cours d'automobile. Comment ça fonctionne, une auto ? Veuillez écouter, mesdames et messieurs, notre petit cours d'automobile pratique. Voici d'abord Pierre Ferrari qui va vous parler du fonctionnement du moteur. Parfait, c'est très technique. Très. Voici en deux mots quel est le principe du fonctionnement du moteur d'auto. On met dans le moteur de l'essence, de l'huile et de l'eau. Tout ça se mélange et alors forcément ça tourne. Voilà. Comment ça tourne? Mais pourquoi est-ce que ça tourne? Parce que, supposez une seconde que vous buviez de l'essence, de l'huile et de l'eau, qu'est-ce que ça vous ferait? Ça vous tournerait sur le cœur. Eh bien le moteur c'est la même chose, ça tourne. Voilà. Bravo. Bonne explication. C'est un savant. À la douche. Oh, Pommel, voyons, alors. Et vous, mon cher Paul Maille, qu'est-ce que vous allez nous dire sur l'automobile? Sur quoi? Sur l'automobile. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. C'est un artiste. C'est un rêveur. C'est une andouille. C'est un savant à la douche, hein, quand même. Les archives de la radio conservent des pépites. Avec nous aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, Jean-Louis Loubet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire économique à l'université d'Évry, Val d'Essonne, auteur d'une autre histoire de l'automobile publiée aux presses universitaires de Rennes. Dans ces premiers temps de l'automobile, nous avons évoqué la vapeur avec le Fardier de Cugnot, très très vite mis de côté. Entre l'électricité et le pétrole, nous le savons, l'emporte, en tout cas durant tout le XXe siècle. Qu'en est-il de ces premiers inventeurs ? Eh bien, dans une époque de la révolution industrielle, de la deuxième révolution industrielle, il était logique qu'on s'intéresse, bien sûr, au pétrole, mais également à l'électricité. La fée électricité, c'est quand même ce qui marque le tournant du siècle. Pourquoi ne pas mettre un moteur électrique sur une automobile ? Il y a beaucoup d'avantages. Et si on regarde les premiers commentaires qu'ils ont faits sur ces voitures dites électriques, on s'aperçoit qu'elles sont faciles à conduire, dans le sens où il n'y a pas de manivelle pour démarrer, le changement de vitesse n'existe pas puisqu'il est continu, il n'y a pas de levier pour la carburation, pour étrangler les gaz, ça freine grâce à l'électricité et même les phares. Beaucoup d'avantages et donc on va essayer de mettre ces moteurs électriques sur des automobiles et disons qu'entre fin 19e, début 20e, c'est une vraie bagarre entre les tenants de l'électricité et ceux de la voiture à essence. Jean-Louis Loubet, vous êtes en train de nous dire que l'évidence du moteur à explosion et de l'essence, c'est plutôt une longue histoire qui fait que l'électricité aurait peut-être pu l'emporter. On va pas faire du chrony ici, mais il y a toute une période de l'histoire de l'automobile où l'électricité rivalise nettement avec le pétrole. Mais bien sûr, si l'on prend uniquement le critère de rapidité. L'automobile, c'est quand même un engin qui permet d'aller vite. Bien sûr, d'aller d'un point à un autre, mais aussi d'aller vite. Or, quel est l'automobile qui va pour la première fois franchir le cap des 100 km à l'heure ? C'est une voiture électrique. Et donc, du coup, au niveau performance, et le 20e siècle sera quand même le siècle de la vitesse, eh bien la voiture électrique apporte énormément d'avantages, puisque on peut filer, imaginez, quasiment, si on dit que les premières automobiles des marques Peugeot, Panhard, Daimler datent de 1890, eh bien presque 10 ans plus tard, on est à 100 km à l'heure grâce à la voiture électrique. Ben voilà, vive l'électricité. Lionel Dufaux, vous êtes docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et responsable des collections énergie et transport au Musée des arts et métiers. Donc c'est le Conservatoire national des arts et métiers. C'est là où est conservé le fardier de Cugnot. Mais pas seulement. Il y a d'autres choses. Il y a des représentants des premières voitures électriques. Assez curieusement, il n'y a pas de véhicule électrique ancien dans les collections du musée. Pour une raison... que je ne m'explique d'ailleurs pas vraiment. C'est parfois le charme de l'histoire de la constitution des collections. Le Conservatoire des Arts et Métiers et son musée ayant constitué une collection plutôt, d'abord pas spécialisée sur l'automobile, hein, c'est un musée généraliste des techniques, et plutôt centré sur la dynamique de l'innovation, l'histoire de l'innovation. Alors peut-être que c'est précisément pour cela qu'il n'y a pas de voiture électrique, puisque lorsque on constitue cette collection, que l'on essaye de faire entrer des objets significatifs de l'innovation. La solution de l'électricité, elle est déjà considérée peut-être avec une certaine ambivalence. Le moteur électrique, comme le disait Jean-Louis Loubet, est un moteur extrêmement performant, un rendement très très bon. Son principal handicap, c'est d'être alimenté par des batteries qui sont lourdes, longues à charger et qui malheureusement se déchargent très vite. La jamais contente dépasse 100 km/h, mais sur une très faible distance. Hein. C'est vraiment un coup pour une expérience et un coup assez médiatique d'ailleurs de Camille Genazzi. Et donc, j'imagine que c'est sans doute pour cela que nos prédécesseurs au musée ont plutôt fait entrer des véhicules qui étaient utiles très concrètement à la population à un moment donné. Et c'est plutôt la voiture à essence qui s'est imposée, puisque l'énergie qu'on peut stocker dans un litre d'essence est infiniment plus importante que celle qu'on peut stocker dans un kilo de batterie. Peut-être que ça va changer, mais en tout cas, à la belle époque, c'était comme ça. Donc, pas de voiture électrique au Musée des Arts et Métiers. En revanche, quelques grands témoins qui marquent l'évolution de cette filière technique jusqu'à la fin du XXe siècle. J'imagine les débats à l'Automobile Club de France et partout dans le monde entre les partisans de l'électricité et les partisans du pétrole. Exactement. Et la situation actuelle, d'ailleurs, et sur ce point, le président de la filière automobile justement insiste sur le fait qu'aujourd'hui nous retrouvons dans une situation similaire à celle que nous rencontrions à l'aube de l'automobile, avec la fin d'un monopole en ce qui concerne le moteur thermique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, c'est que des erreurs, tout a un antécédent. Nous parlons de la voiture électrique. Il faut savoir qu'elle existe donc depuis la genèse de l'automobile et que un point relativement méconnu. Dès 1900, le président de la République française, à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, avait signé une validation pour la réalisation d'une carte de France des stations de ravitaillement pour véhicules électriques en validant plusieurs milliers de kilomètres, en précisant les lieux, les centrales qui étaient susceptibles d'offrir l'énergie aux utilisateurs. Jean-Louis Loubet, ça c'est une vraie question pratique et c'est presque de l'histoire du quotidien pour ces premiers automobilistes, c'est se ravitailler tant pour l'essence que pour l'électricité. Alors, il y a une vraie différence pour le ravitaillement entre les deux énergies. L'essence, c'est relativement simple, puisque les épiciers vendaient l'essence dans des bidons métalliques, dits les bidons de 5 litres. Et donc, on pouvait se ravitailler dans une toute épicerie. Pour l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant qu'on est à une époque où l'électricité commence à peine à se généraliser en France et en Europe. Et donc, j'ai l'exemple des taxis parisiens. On essaye en 1898 de mettre en place des taxis électriques dans la ville de Paris. Et là, on s'aperçoit que ces belles machines ont une autonomie de 60 km. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 courses, à peu près, elles doivent aller se ravitailler. Et là, elles doivent attendre 7 heures pour faire le plein d'énergie. Elles doivent aller dans le centre technique des taxis. Il n'y a aucune borne de charge en ville, bien évidemment. Et ça, c'est le handicap majeur de l'électricité par rapport au pétrole que l'on peut donc trouver dans toute belle épicerie. Jean-Louis Louet, vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Emmanuel Pia, que ces questionnements de la fin du 19e siècle sont ceux que l'on retrouve aujourd'hui. Et dans ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui est récurrent pour comparer la voiture électrique et la voiture alimentée à l'essence. Mais totalement. Sauf que il y a une exception. C'est l'Amérique. Et que la voiture électrique aux États-Unis, elle prend. Puisqu'au début du siècle, vers 1903-1904, un tiers des voitures américaines sont électriques. On peut se demander comment se fait-il que les Américains supportent la voiture électrique, alors que les Européens, et notamment les Français, l'ont mise de côté parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Eh bien, c'est tout simplement une différence d'usage. Aux États-Unis, la voiture est prisonnière des villes. On ne peut pas sortir de la ville parce qu'il n'y a pas de réseau routier. Donc, l'automobile est urbaine. Dans ces conditions, le rayon d'action de la voiture est en cours. La voiture électrique a un intérêt. On peut très bien aller faire ses courses au drugstore, brancher et rentrer chez soi. Il n'y a pas cet appel du large comme il y a en France, puisque en France, on aime prendre sa voiture pour partir, pour rouler, pour découvrir. Et pour rouler, alors l'essence, on l'a bien compris, sur les longues distances est très pratique, mais ça ne reste pas si simple. Lorsque j'ai fait de l'auto, quelques années après, enfin en 95, 96, quand j'allais en Dordogne, eh bien, il m'arrivait de ne pas rencontrer une voiture sur toute la route. Et vous mettiez combien de temps pour aller en Dordogne ? Oh ben, on mettait longtemps, on s'arrêtait en route. Oui, on s'arrêtait plusieurs, en route. On s'arrêtait en route parce que il fallait. On avait dans l'auto, on avait toujours un sac en toile pour prendre de l'eau parce que ça chauffait quand on montait les côtes. Et pour monter les côtes, on était obligé, dans beaucoup de voitures, de monter en marche arrière parce que la marche arrière était moins multipliée que la première. Alors on se mettait en marche arrière et on montait la côte. Et où trouviez-vous de l'essence ? On trouvait de l'essence chez les droguistes. Mais il n'y avait pas encore de poste à essence. Il y avait des épiciers, alors qu'ils tenaient de l'essence en bidon. Tandis que, quand dans Paris-Berlin, que j'avais fait, en 1900, eh bien là, l'essence, on la prenait chez le pharmacien. Ça s'appelait de la benzine. Benzine, ils appelaient ça. Et puis voilà, ça permettait de rouler cette course Paris-Berlin au tout début du XXe siècle, est organisée par l'Automobile Club de France. Et celui d'Allemagne, hein, c'est une course qui réunit les deux automobiles clubs. Oui, absolument. Mais pour corriger ce monsieur, ce n'était pas en 1900, mais en 1901. C'est exactement, juste un petit suivante. Détail de l'histoire, effectivement. Dans cette histoire-là, nous avons une histoire technique, bien sûr, mais qui se relie, et je le disais, c'est presque le quotidien des automobilistes, à une histoire presque d'aventure. C'est cela aussi, aller à l'autre bout de la France ou tout simplement traverser la ville, c'est pouvoir se ravitailler. Lionel Dufaux, dans cette histoire de la technique automobile, on le sent bien dans ces premiers temps, il y a autant l'électricité que l'essence. Tout le monde est à l'affût d'améliorer, en fait. C'est ce jeu-là, mais ça va à une vitesse folle. Hein. Mais au-delà d'année en année, c'est presque de mois en mois que chacun apporte sa petite innovation. Quand on regarde la liste des brevets déposés, par exemple, c'est tout à fait le reflet d'une vraie dynamique, d'une vraie émulation également. Et contrairement à une lecture parfois très simpliste à laquelle notre époque se plie volontiers, ce n'est pas dans un pays en particulier que se fait cette invention, mais c'est l'histoire des techniques nous le montre, l'invention surtout d'un objet aussi complexe qu'une automobile est forcément une affaire d'émulation, d'échange, de discussion, d'inspiration aussi, et parfois d'espionnage, entre différents constructeurs. Les courses automobiles sont des moments, justement, au cours desquels on peut juger de la qualité des défauts, des motorisations, des différentes constructions. Les expositions universelles, et puis évidemment les expositions de l'automobile et du cycle, le salon de l'automobile, sont aussi des moments privilégié pour cette émulation-là, puisque tous les constructeurs sont les uns à côté des autres et le public peut tout à fait juger de la qualité de leur construction. Donc il y a effectivement beaucoup d'émulation et puis des convergences de filières techniques, puisque l'automobile, finalement, elle reprend à la vélocipédie un certain nombre d'éléments, notamment sur la fabrication des roues. Elle reprend évidemment à la construction des véhicules hippomobiles certains éléments dans sa structure. Et la motorisation, notamment thermique, qui est développée pour les automobiles, elle inspire les constructeurs des premiers aéroplanes qui sont également en train de chercher exactement à la même époque comment faire décoller un avion. Donc on a vraiment un point de convergence entre les filières techniques et l'automobile est à cet égard un exemple très très intéressant de cette dynamique de l'innovation en train de se faire. Emmanuel Pierre. Oui, effectivement, pour prendre un exemple, les premiers constructeurs s'intéressaient à la vélocipédie, s'intéressaient aux premières automobiles, s'intéressaient également aux canaux automobiles, qui était une innovation au début du XXe siècle, mais également à l'aviation. Et c'était souvent les mêmes acteurs. Nous retrouvions des Mercedes, des Panhard, des automobiles de la haie, engagés dans les premières compétitions. Tel James Gordon Bennett qui, par exemple, était le mécène à la fois de courses d'automobiles, des courses de dirigeables ou même des courses d'aviation. L'automobile n'était initialement qu'un développement pas simplement lié à l'industrie, mais il y avait des ouvertures vers tout type de moyens de locomotion sur terre, sur mer et dans les airs. Jean-Louis Loubet, est-il possible d'être historien de l'automobile sans être un petit peu aussi historien des autres moyens de se déplacer et plus globalement même de toute cette innovation de la fin du 19e siècle ? Ah, il y a évidemment des passerelles, comme on vient de le dire. Beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs, issus des arts et métiers, touchent un petit peu à toutes ces techniques. Et puis, si on avance un petit peu dans le siècle, on s'aperçoit que les ingénieurs de l'aéronautique vont apporter énormément à l'automobile, sur l'allègement, sur les structures. Donc, c'est véritablement un moment très important au niveau des techniques, où tous ces... non pas mélangé, mais chacun a apporté son savoir à l'autre. Et c'est vraiment une grande époque de progrès. Parce que l'automobile, c'est un moteur, bien sûr, mais ce n'est pas qu'un moteur. Il faut absolument des roues pour que ça fonctionne et des pneus, pourquoi pas. Comment résistait la mécanique ? Ah, ben la mécanique résistait un peu plus que les pneus. Parce que c'était les pneus à haute pression que nous avions à ce moment-là. C'était, autant que je me rappelle, du 920-120. Gonflé à 3 à 4 kilos. Et il m'en fallait presque un par jour. Parce que sur ma mitrailleuse, à vide, je pesais 1800 kilos. Alors, ces pauvres pneus, la chaleur aidant. Ah, la chaleur, c'était surtout la chaleur. Et en hiver, il faisait même chaud aussi. J'en usais tout de même un peu moins. Mais l'été, il m'en fallait un par jour. Ça, il n'y avait pas. Et comment étiez-vous outillé pour remplacer les pneus? Aujourd'hui, changer une roue, c'est un... C'est rien. Mais tandis que là, il fallait monter le pneu. Enlever le pneu qui était éclaté, le remonter, et puis le gonfler à la pompe. Alors, vous savez, on s'envoyait chacun 50 coups de pompe, et sous le soleil, c'était pas rigolo, parce que la transpiration... Et puis, alors, là, le bidon, on y en prenait un petit coup, j'aime bien vous le dire. Ah bah oui, il faut vider le bidon aussi, mais attention, parce que boire, oui, conduire, il faut choisir. C'était en 1953 que s'exprimait Maurice Penaud, chef mécanicien des expéditions Citroën. Ah là aussi, c'est une autre innovation et qui a des conséquences évidemment sur le cycle. C'est l'utilisation des pneus, Lionel Dufaux. C'est une autre histoire qui s'écrit en parallèle, mais c'est la même histoire. C'est exactement ça. Le pneu, c'est d'abord le développement de l'industrie chimique et le développement de cette filière du caoutchouc qui a déjà pas mal progressé avec la vélocipédie. Clément Ader, pionnier de l'aviation, est aussi un pionnier des bandages en caoutchouc sur les vélocipèdes à l'exposition universelle de 1867. Donc ça date un peu. Et puis on va voir plusieurs solutions qui coexistent avec, dans certains cas, des bandages qui sont collés sur la jante. Et puis dans d'autres cas, le pneu tel que nous le connaissons aujourd'hui avec la chambre à air et cette enveloppe qui la protège. protège. Le pneu, c'est aussi l'interface entre le véhicule et la route, parce que l'automobile, c'est certes un véhicule, et c'est vrai que le patrimoine des transports aujourd'hui se focalise beaucoup sur le véhicule, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une infrastructure, et c'est vrai que dans notre pays où les ingénieurs des ponts et chaussées ont été longtemps à la manœuvre, il y a un réseau routier qui s'est développé, qui se perfectionne, qui s'étend au fur et à mesure des besoins, et notamment du développement de l'automobile, mais c'est aussi tout cet équipement, on parlait tout à l'heure du ravitaillement en carburant, c'est aussi tout cet équipement qui va venir sur l'infrastructure, un peu plus tard les stations-service, mais la signalisation, etc., et qui forme finalement tout un système technique. Tout ça fonctionne ensemble, tout ça doit être régulé, contrôlé, sécurisé, et ça révèle la complexité de toute cette aventure, d'autant plus après la Première Guerre mondiale, où on assiste, on constate une augmentation du nombre de véhicules en circulation. Jean-Louis Loubet, à partir de quel moment les gens cessent de se retourner dans la rue sur une voiture? Vous allez me dire, maintenant les gens se retournent toujours sur une voiture, surtout si on ne l'a jamais vue avant. À quel moment la voiture devient une évidence dans nos paysages? C'est sans doute une histoire nationale là aussi. Oui, les choses sont différentes selon les pays. Il y a en France un engouement pour la voiture. Quand on regarde la presse locale dans plusieurs provinces françaises, on s'aperçoit que l'arrivée d'une automobile, c'est un événement qui est salué déjà par le corps du garde champêtre qui prévient le village de l'arrivée d'une voiture, descendent de chez eux les habitants, même celui qui est en train de se faire coiffer ou de se faire raser arrive la barbe à moitié faite, il vient voir l'automobile. Et qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde évidemment ces autos. On adore ce parfum délicieux de mélange d'huile, d'essence, de poussière. On adore ces vêtements, ces gens habillés d'une façon tellement différente. Et donc, en France, il y a un engouement. Ce n'est pas la même chose en Allemagne. En Allemagne, les voyageurs qui traversent les Länder racontent parfois qu'ils sont mal accueillis. C'est-à-dire qu'il y en a qui racontent des jets de pierre sur leur passage. On les accuse de faire de la poussière. Et il y a en Allemagne plutôt un courant, peut-être déjà un peu écolo, où on trouve que cette voiture, eh bien, c'est presque le symbole de cette industrialisation trop rapide qui a été mise en place sous les empereurs Guillaume. Donc l'accueil est moins sympathique. Autrement dit, eh bien, Daimler n'est pas prophète dans son pays, alors que Panhard et Peugeot sont beaucoup mieux accueillis en France. On peut dire que la France est une patrie pionnière pour l'automobile, Jean-Louis Loubet? Ah oui, l'automobile française, c'est la première au monde jusqu'à l'arrivée de Ford. C'est donc véritablement une industrie qui marche très bien et qui réussit à supplanter l'industrie britannique, parce que tout de même, les Britanniques avaient beaucoup d'avantages. C'est quand même le pays de la première révolution industrielle. Et au départ, eh bien, les Anglais ne sont pas là, pour une raison un peu curieuse qui s'explique... pas par une frilosité, mais par une crainte peut-être d'accidents liés à l'automobile, puisque les Anglais, pays ô combien libéral, vont tout de même mettre des lois pour empêcher d'aller trop vite. C'est-à-dire, on va limiter la vitesse à des niveaux extrêmement bas et obliger les automobiles à être précédées d'un homme qui porte un fanion rouge pour prévenir le danger. Ah oui, ça devient compliqué pour organiser le déplacement en voiture, mais c'est vrai que la limitation de vitesse nous surprend aujourd'hui quand nous regardons le compteur, témoignage qui nous conduit à la toute fin du 19e siècle. À cette époque-là, ce n'était pas du tout comme maintenant. Il n'était pas question de code de la route, c'était uniquement pour la conduite. Et du reste, c'était l'ingénieur des mines lui-même qui faisait passer le permis. Est-ce que vous avez eu des accidents en voiture? Non, jamais. Jamais, jamais d'accident. Jamais le plus petit excès de vitesse? Ah ben, des contraventions, il y en a eu. Je m'en souviens d'une qui n'était pas ordinaire. Ça s'est passé à Voiron. Je marchais pas vite, 7, 8, 10 à l'heure, je sais pas. Il y avait une dizaine de chiens. Il y en a un qui se fiche sous la voiture, je l'écrase. Bon, arrivé à la poste, je trouve un bonhomme qui m'attendait à la sortie. Et il me dit, monsieur, cette voiture est à vous. Je dis, non, pas moi, mais c'est moi qui la conduis. Oui, monsieur, au commissariat. J'arrive au commissariat, il y avait un espèce de barbu, là, qui était, soi-disant, le propriétaire du chien, et puis le chien crevé, par terre, étendu. Le commissaire me dit, vous connaissez, voir, quand j'ai le chien. Ben, je dis, oui, quand j'ai le chien. Je n'ai pas pu l'éviter, j'ai pas pu faire autrement. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous marchez-vous? Ben, je marchais à 8-9 à l'heure. Bon, asseyez-vous. Et il fait un rapport, il écrit, demande de signer, je lis, et en effet, je déclarais marcher à 8-9 km à l'heure. Quand j'ai vu signer, il me dit, mais je voudrais ce procès-verbal. Il y en a un arrêté du préfet de l'Isère qui interdit de marcher à plus de 6 km à l'heure dans les agglomérations. Et ben voilà, du 6 km/h, c'est monsieur Hennet qui s'exprimait, monsieur Hennet qui a passé son permis de conduire en 1899 dans la Saône, une archive de 1965. Emmanuel Pia, c'est vrai que ça nous fait sourire quand on entend du 6 km/h la limitation de vitesse, c'est-à-dire c'est la vitesse de quelqu'un qui court quoi, ça va pas plus loin. Qui sont ces conducteurs? L'Automobile Club de France est composé de qui? Alors, l'Automobile Club de France est composé d'une myriade de membres, vraiment d'horizons différents. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est composé de constructeurs, il est composé de clients, de mécènes. Donc vraiment d'une multitude de catégories socio-professionnelles et qui représentent, disons, une part de la société. Voilà, c'est une part de la société, ce n'est pas simplement l'élite, parce que la question se pose de ces conducteurs, de ces premiers véhicules. Faut être riche pour avoir un véhicule. Alors là, dans le témoignage que l'on vient d'entendre, monsieur Hennet, il conduit le véhicule, mais il n'en est pas le propriétaire. Oui, absolument. Puisque c'est comme tout bien, tout objet particulier, il y a la notion d'offre et la notion de demande. Lorsque l'offre est très inférieure à la demande, forcément, il y a des conséquences au niveau du prix de vente. C'est la raison pour laquelle les premières automobiles, qui sont des objets extrêmement rares, puisque nous comptons avant 1900 que quelques milliers de voitures, dont la moitié sont produites en France, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'indiquait Jean-Louis Loubet tout à l'heure. Et donc certes, les premières automobiles étaient conduites par des personnes représentant plutôt l'aristocratie ou la haute bourgeoisie, mais petit à petit, le fordisme apporte justement une certaine standardisation, donc permet une démocratisation de l'automobile par une standardisation et donc une mondialisation. Mais il faut attendre fort longtemps pour que ça puisse se généraliser, et notamment en France. Et l'industrie automobile française était extrêmement artisanale, contrairement à ce que l'on peut trouver, par exemple, outre-Atlantique. La particularité de la France, c'était l'un des plus anciens pays, justement, qui a une tradition de construction de carrosserie hippomobile et qui hérite, justement, de cette tradition, qui est certainement donc l'une des raisons de lancement de l'automobile en France et pionnière, donc, à l'échelle mondiale. Avec un contraste entre ces élites de l'aristocratie, de la bourgeoisie, qui peuvent se payer ces voitures, et puis ce côté artisanat, Lionel Dufaux, il y a de ça dans ses premières voitures. Il y a une émulation, il y a du bricolage. Enfin, on sent bien que tous ces grands noms qui ont fait l'histoire de la voiture, pour certains, ben, c'est des mécaniciens. Ils commencent, ils bidouillent, ils tripatouillent le moteur. C'est tout à fait ça. Quand on prend, par exemple, Jules-Albert de Dion et son mécanicien Georges Bouton, on les imagine bien travailler sur les tricycles des années 1880, d'ailleurs passer de la vapeur au pétrole, dans leur cas précis. Et puis, quand on regarde ces voitures dans leur matérialité, ces premières automobiles, effectivement, la dimension artisanale et d'artisanat de luxe transparaît bien. On a des voitures qui sont faites dans certains cas sur mesure. On voit des aménagements qui sont tout à fait luxueux à l'intérieur. Les sièges sont en cuir capitonné. On a des lanternes en cuivre ou en laiton. Et puis on n'est pas encore du tout dans le registre de la standardisation, puisque on le voit par exemple avec les automobiles Panhard des années 1890. Tout est en option. Même les roues, même les freins, le pavillon pour se protéger du soleil, le nombre de sièges. En fait, le constructeur répond vraiment à la demande de son client. Donc c'est vraiment du sur-mesure, Et comme n'importe quelle industrie de sur-mesure ou de haute couture, on est dans le registre du luxe. Et c'est vrai que la standardisation apportée notamment par Ford aux États-Unis juste avant 1910 permet, outre-Atlantique, de réduire considérablement les prix des automobiles. C'est vrai qu'en Europe, les projets de véhicules plus populaires, plus accessibles, sont formalisés pendant l'entre-deux-guerres. Mais en France, il faut quand même attendre la libération pour avoir des véhicules qui soient réellement accessibles pour les classes populaires de manière massive. Les freins en option, j'aime beaucoup l'idée. Hein. Les roues en option, c'est conceptuel pour une voiture. Emmanuel Piard. Oui, on peut également préciser qu'en France, avant la Première Guerre mondiale, la France comptait entre 1500 et 3000 constructeurs différents. Donc une grande hétérogénéité technique, et avec effectivement, en fonction des sensibilités, en fonction d'une tradition. Je vois par exemple Peugeot emprunte sa technique, emprunte les matériaux qu'elle maîtrise en extrapolant l'automobile, réalisé donc sur plutôt un châssis tubulaire. Panhard, lui, utilise son passé et son vécu en tant que producteur de moteurs à bois pour des scies à bois, par exemple, en utilisant donc plutôt le bois pour réaliser ses châssis. Donc chacun s'adapte à sa situation, mais d'une façon générale, une grande hétérogénéité dans la construction, contrairement notamment au modèle d'Henry Ford. Jean-Louis Doubet, on l'entend bien, ici, ces premières automobiles sont des objets uniques. Elles sont pensées comme ça, alors uniques ou en quelques exemplaires, mais de manière très réduite. Tout à fait. Des modèles qui sont à l'unité. Et comme l'a très bien dit Lionel Dufaux, c'est objet de très grand luxe. Et je pense que l'automobile française excelle dans ce domaine-là. Et jusqu'à la Grande Guerre, le pays de l'automobile de luxe, ce sera la France. À partir de quel moment, Jean-Louis Loubet, commence-t-on à avoir l'idée d'une production en série ? Pour le dire autrement, il y a une commande faite par un client et le véhicule est construit. Et à quel moment le constructeur se dit « je vais en fabriquer quelques-uns et je serai sûr de les vendre ». Eh bien, ce qu'il manque en France, ce sont les classes moyennes. Et c'est la même chose pour l'Europe. Quel est l'avantage de Ford aussi ? C'est d'avoir des classes moyennes qui vont pouvoir être des clients. Or, en Europe, ce n'est pas le cas. Et comme Emmanuel Piard ou Lionel Dufaux l'ont dit à l'instant, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'on va avoir ces classes moyennes qui vont pouvoir acheter des voitures, et donc populaires. Et donc on pourra passer à la voiture de série, donc avec, je dirais, 20 ans d'écart par rapport aux États-Unis. Et c'est un écart qui est assez conséquent. Les premières automobiles en Europe et particulièrement en France, objet de luxe, objet unique, la première voiture Panhard sort des usines en 1891. La première voiture Panhard, sortie par ses propres moyens, c'est-à-dire en roulant, ce fut en l'an 1891, monsieur Panhard. C'était en 1891. À ce moment-là, nous avions pris la licence d'Emmler, et c'est avec un moteur licence d'Emmler que nous avons sorti la première voiture. Mais cependant, bien avant 1891, ces voitures roulaient dans l'intérieur de l'usine, mais n'étaient pas sorties, ne voulant sortir que les voitures étant tout à fait bien au point. Oui, le secret des prototypes était déjà bien gardé comme maintenant. Nous l'espérons. Et c'était la première voiture du monde. Et à quelle vitesse marchait-elle, cette première voiture ? Ben, ces voitures marchaient, je ne peux pas vous dire à quelle vitesse, mais ce dont je me souviens, c'est qu'avec mon frère, nous avions à ce moment-là des bicyclettes qui étaient avec des roues qui n'avaient pas encore de pneumatiques, qui étaient des roues avec bandage creux, et nous pouvions suivre la voiture. Ça vous donnait l'idée de la vitesse de ces premières voitures. Oui, elle n'allait pas très vite, en effet. Et alors, à qui les vendiez-vous, ces voitures ? Est-ce que vous aviez des clients attitrés tout de suite ? Nous vendions ces voitures d'abord aux Français, mais beaucoup aux Anglais. Et ben voilà, les Anglais savent où trouver de bonnes voitures. C'est Monsieur Panhard qui s'exprime en 1952. Ben oui, parce que ces gens-là, ce sont des gens de l'innovation. Quand on entend ces noms, Panhard, Levasseur, de Dion-Bouton, etc., etc., nous imaginons une voiture qui est construite par eux. Mais dans le témoignage que l'on vient d'avoir, par Panhard lui-même, il y a un élément qui peut être pris chez un autre constructeur. On va regarder le moteur qui est fait ailleurs. Ce sont déjà des constructions, ces voitures, avec, pas des sous-traitants, c'est pas que ça, mais des agglomérations de plusieurs innovations venues et parfois hors de France. Un objet technique comme une automobile est tellement complexe qu'on peut difficilement imaginer un constructeur qui prenne en charge la totalité de sa construction. Et donc, très vite, on a alors soit un système de sous-traitance, soit, alors le terme était anachronique pour la belle époque, mais d'équipementiers qui vont fournir des pièces détachées. Alors, sur les motorisations, l'exemple d'Opanhard est intéressant. Il prend une licence auprès de Daimler pour équiper ses automobiles. On va avoir d'autres cas de collaboration. Plutôt dans les années 1880, fin des années 1880, c'est Léon Serpollet qui invente un type de chaudière qui s'associe avec Peugeot pour essayer de fabriquer un tricycle. Mais de la même manière, la fourniture des pneumatiques, la fourniture de certains organes très importants dans la voiture, le carburateur par exemple. Il y a des constructeurs qui se spécialisent dans la fabrication de ce type de composants et qui vont fournir comme ça un certain nombre d'automobiles. Blériot, que l'on connaît parce que c'est un des pionniers de l'aviation, fait fortune au départ dans la fabrication de lanternes à acétylène puis de phares électriques pour automobiles. Et on a comme ça une myriade de constructeurs qui dans certains cas se rassemblent les uns les autres, des sociétés comme SEV, Cibier, Paris-Rhône, pour certaines ont fusionné et existent encore aujourd'hui sous la marque Valeo. Tous ces constructeurs-là gravitent autour des grandes marques, dont seulement certaines nous sont parvenues. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. En France, à la belle époque, il y a une foule de constructeurs. C'est un écosystème extrêmement dynamique. Avec des métiers nouveaux, parce qu'un carburateur, c'est un métier tout nouveau pour le fabriquer, étant donné qu'auparavant, personne n'avait besoin de carburateur. Les métiers anciens aussi sont mobilisés, on l'a bien dit, sur les carrosseries, sur même les menuisiers, parce qu'il y a beaucoup de bois dans ces véhicules-là, sur les tapissiers aussi. Il y a un aspect qui est assez vivifiant dans ce monde-là autour de l'automobile, pour les nouveaux métiers, mais aussi des métiers plus traditionnels. Sans doute une réanimation de ces métiers. Alors, c'est amusant de voir sur les véhicules des années 1890 fournis en option, par exemple, les pare-crottes, qui sont ces grandes étoffes de laine que on pose sur ses genoux pour ne pas être éclaboussé par la boue, ou en tout cas pour se protéger des éclaboussures de la boue. Eh bien, on les fournissait naturellement sur les véhicules hippomobiles. On les retrouve sur les véhicules automobiles. Et c'est la même chose sur la sellerie, sur tout cet artisanat de luxe qui converge vers l'automobile. Emmanuel Pierre. Afin de rendre hommage justement et de garder à l'esprit ces différents corps de métier, ces différents gestes liés à l'automobile et à son écosystème, il y avait une volonté de la part d'un certain nombre d'associations et de fédérations de faire classer la carrosserie automobile, la carrosserie française comme patrimoine mondial universel à l'UNESCO. Donc ce projet est en cours, mais c'est un projet de longue haleine. Donc justement, afin de montrer toute cette diversité et cette qualité et ces savoir-faire, ces gestes qui risquent de disparaître au fil du temps. Plus de 3000 constructeurs, nous l'avons dit à la belle époque au début du XXe siècle, mais il faudrait décliner ça en autant d'artisans qui travaillent pour l'automobile. C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire au volant des premières autos avec ses débuts électriques. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Jean-Louis Loubet, vous nous avez dit qu'aux États-Unis, dans les premiers temps de l'histoire de l'automobile, la voiture électrique le remportait parce qu'il s'agissait de déplacements à l'intérieur des villes et qu'en France, peut-être aussi parce que les distances entre les villes françaises sont moins grandes qu'entre les villes aux États-Unis. En France, le pétrole était déjà présent. À quel moment le pétrole l'emporte sur l'électricité ? Oh, en France, tout de suite, on peut pas dire que l'électricité ait eu une vie très très bonne. Aux États-Unis, par contre, c'est l'arrivée de la Ford T qui va tout changer. C'est que lorsque Ford se lance dans cette voiture bon marché, il sort déjà d'une bataille avec Halls, avec Buick, sur la voiture à $1,000. Et là, déjà, vendre une voiture $1,000, c'était à peu près la moitié de la voiture électrique, qui coûtait à peu près $2,000-$2,500. Et donc déjà là, par le prix, la voiture thermique, donc à essence, a pris un avantage. Et il faut bien dire que le gros avantage qui va émerger, c'est l'arrivée aux États-Unis du démarreur électrique, qui est installé par Chevrolet. Alors le démarreur électrique, c'est Chevrolet. Voilà. En quoi le démarreur électrique transforme l'histoire de l'automobile? Alors le démarreur électrique permet de... On appuie sur un bouton et le moteur démarre. Et donc surtout ça permet aux femmes de ne pas avoir cette manivelle à actionner qui est lourde, qui est dangereuse, qui on peut avoir le retour de manivelle, et d'un seul coup ce démarreur électrique va permettre de démocratiser encore plus la voiture parce que son usage devient beaucoup plus simple. Et monsieur Kettering, l'inventeur, c'est curieux, c'est un démarreur électrique qui va tuer la voiture électrique. Et oui, non, mais c'est ce paradoxe-là qui nous intéresse parce que c'est une histoire sociale également. Et le démarreur électrique qui permet de démarrer plus facilement une voiture et d'éviter cette manivelle, c'est dangereux une manivelle, peut intéresser les femmes, mais pas seulement. On sent bien que jusqu'alors, utiliser une voiture est quelque chose qui nécessite de se salir les mains, de se salir les vêtements. J'imagine que beaucoup rechignaient et se laissaient conduire. Il y avait quelqu'un qui conduisait. Oui, il y avait effectivement, même ce qu'on appelle les fameux chauffeurs, avaient pour mission de faire chauffer l'automobile, c'est-à-dire de mettre à rouge des tubes de tungstène, justement, qui étaient cachés dans un capot, et afin de pouvoir permettre l'explosion. Et donc, cette expression chauffeur est bien distincte, effectivement, du passager et souvent du propriétaire. Il y avait souvent une distinction entre les fonctions et en fonction des catégories socio-professionnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a des chauffeurs et des conducteurs. Aujourd'hui, le mot est utilisé de manière indifférenciée, mais à l'origine, il y avait bien deux personnes. Absolument, absolument. Mais la terminologie évolue en fonction de l'évolution technique également. Oui, parce que cette évolution technique, c'est celle que l'on retrouve dans les collections du Musée des Arts et Métiers, du Conservatoire National des Arts et Métiers, Lionel Dufaux. Cette histoire-là est une histoire passionnante en soi quand elle est replacée dans son contexte. Nous sentons l'émulation du début et l'industrialisation. Mais en fait, les deux phénomènes vont de pair, étant donné que dans la concurrence, il y a la nécessité de toujours proposer du nouveau pour être le premier. C'est tout à fait ça. Il faut être en mesure de proposer des nouveautés techniques, mais des nouveautés techniques qui trouvent écho chez les consommateurs. C'est tout le sel de l'innovation et c'est ce qui la distingue de la pure invention. C'est-à-dire que les constructeurs vont perfectionner l'automobile, mais en cherchant à rester dans une marge de prix acceptable pour les consommateurs, de manière à proposer également des véhicules qui répondent à certaines attentes. L'automobile s'impose comme un mode de déplacement et non plus simplement une activité sportive ou de promenade parce qu'elle a des atouts qui sont très très importants pour la mobilité. C'est un mode de déplacement immédiatement disponible. Dès lors qu'on a besoin de prendre sa voiture, eh bien, il suffit d'aller au garage et nous voilà partis. C'est une voiture qui est vite polyvalente. On se déplace à la fois dans les villes, dans les campagnes. On peut faire Alors, au début, ça peut être un peu aléatoire, hein. Les voitures chauffent, c'est compliqué pour monter certaines côtes. Mais en tout cas, un même véhicule a cette capacité de répondre à plusieurs demandes. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel les constructeurs vont mettre l'accent après la Première Guerre mondiale et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, en France en particulier, et qui fait que la voiture est devenue cette compagne pour de très nombreux Français. Et c'est ce qui explique aussi certaines résistances aujourd'hui dès lors que l'on essaye de contraindre l'usage de l'automobile. Oui, d'autant que l'État s'est adapté à ses besoins avec toutes ces discussions qu'il y a pu y avoir. Et je pense que l'Automobile Club de France en fait partie pour aménager le territoire, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des stations pour pouvoir retrouver de l'essence. Et cette longue histoire de la voiture que nous amorçons simplement avec les prémices de la voiture, mais nous sentons bien que c'est une histoire qui touche l'ensemble de la société, histoire sociale, économique, et puis des techniques que l'on peut retrouver au Musée des Arts et Métiers, que l'on peut retrouver dans votre livre, Jean-Louis Loubet, aussi une autre histoire de l'automobile publiée aux Presses universitaires de France. Merci à tous les trois de nous avoir conduits, chauffés, je reprends les deux mots, parce que maintenant il est temps de retrouver une autre grosse cylindrée, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les Grecs traitaient-ils leurs esclaves ? Le premier traité universel interdisant la traite des esclaves fut la Convention relative à l'esclavage adoptée par la SDN en 1926. Mais des pratiques privant des individus de leur liberté existent encore aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi le Bureau international du travail prend désormais en compte les formes de coercition apparentées à l'esclavage qui sont insérées dans des réseaux de dépendance. Les historiens ont repris à leur compte ce concept de dépendance pour pouvoir englober les diverses formes de sujétion et de travail non libre qui existaient dans l'Antiquité. On a pu distinguer ainsi les sociétés esclavagistes et les sociétés dites « à esclaves » dans lesquelles le recours à l'esclavage n'était pas systématique. C'est sur les tablettes du linéaire B, un syllabaire apparu à Knossos, en Crète, aux environs de 1375 avant Jésus-Christ, qu'ont été identifiés les premiers esclaves connus dans la Grèce antique. On ne sait pas quel était leur nombre, de même qu'on ignore leur degré de dépendance. Les historiens pensent néanmoins qu'ils étaient sans doute bien enracinés dans la société parce qu'ils jouaient un rôle économique important et qu'ils pouvaient être vendus. Dans l'évolution, complexe et mal connue, qui a conduit à l'émergence d'une société esclavagiste, la grande nouveauté a été l'achat des esclaves avec de l'argent et donc leur intégration dans les circuits commerciaux de la Grèce antique. Au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, s'est mis en place un approvisionnement régulier en esclaves au moment même où leur statut légal a été clairement défini face aux hommes libres de la cité. Dès cette époque, c'est le critère du travail qui a constitué le symbole le plus fort de la soumission de l'esclave. Présente dans tous les secteurs de la vie économique, la main-d'œuvre servile se caractérisait aussi par sa mobilité et sa souplesse. C'est au cours de cette période que se sont mis en place les différents modes de ponction du produit du travail servile. En Grèce, au 4e siècle avant Jésus-Christ, on pouvait faire travailler ses esclaves, mais aussi les louer, ou les laisser travailler pour eux-mêmes et recevoir d'eux une somme donnée en échange. Cette souplesse permit à de nombreux esclaves d'accéder à des emplois qui étaient parfois occupés aussi par des hommes libres. Le rôle essentiel joué par la main-d'œuvre servile dans l'économie antique a alimenté de nombreux débats sur le problème de la rationalité de l'esclavage. Les historiens qui estiment que ce système de domination n'était pas très rentable pensent que c'est ce qui a progressivement incité les propriétaires d'esclaves à atténuer la rigueur de leur soumission en leur accordant une indépendance plus grande et en leur promettant l'affranchissement. Cet assouplissement des rapports de dépendance s'explique sans doute aussi par la crainte des révoltes très répandues chez les propriétaires d'esclaves. Leurs enfants apprenaient à s'adresser aux esclaves par des formules brèves et sèches afin de montrer qu'ils étaient les maîtres. Le but était aussi d'inculquer aux esclaves, dès leur plus jeune âge, des comportements de soumission. Ce qui n'empêche pas que les mouvements de révolte furent plus nombreux qu'on ne l'a souvent dit. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Une émission préparée sur les chapeaux de roue par Jeanne Delecroix.